Je peux m'arrêter avant les panneaux? Oui, réponse A. Non, réponse B. Après les panneaux? Oui, réponse C. Non, réponse D.